Le qaf c'est le ayn. Le fa c'est le lam. Là, il nous reste quoi comme lettre là? Le kaf et le fa, ils représentent quelle lettre dans fa'ala? Le kaf c'est quoi comme lettre dans fa'ala? Le ayn. Aïe, ouais. Et le kaf? Le fa à fouane? Lam. Donc ça fait quoi? Il a, elle a quel... À la wazn? J'ai pas entendu à fouane. Madri. Si, je crois que tu l'as dit. Aïl. Aïe, ouais, aïl. Fakat. À la wazn, aïl. Sa mesure c'est aïl. Taïeb. Quand tu dis à quelqu'un kif, taïeb, son patron, sa mesure c'est quoi? Aïl. قال لا يحتاج لحمزة لأن أوله متحرك. Normalement on met حمزة الوصل في الأم parce que la, le fa du verbe il est avec une soukoun. Mais là, comme il n'y a pas de fa, on tombe directement sur le عين, il y a une haraka, donc on n'a pas besoin de حمزة الوصل. Donc tu dis قف. طيب وزن تزين. C'est quoi le أم? زين. زين, tout simplement. وعدا تعيد. عيد. تهبا. C'est de Wahaba. Comment tu dis? Hein? Hab. Hab, aïe, voilà, c'est pas qu'une kasra, c'est qu'une patra. Wada'a tador. Attends, attends, mais tout à l'heure, je m'étais trompé. En tout cas, là, t'as répondu, là. Non, mais tout à l'heure. Sûr. Par rapport au fait de. De trouver le mudari'. T'avais dit quoi? Pour Wada'a et Wahaba. T'avais dit quoi? J'avais dit quoi? Je crois que j'avais dit Yadi'u. Yadi'u, ah, j'ai pas entendu. Yahibu. Ah, bah les deux prennent une fatra. Yadi'u ou Yahibu. Non. Donc là, Tadi'u, c'est quoi le Am? Tadi'u, c'est Va. Va, non. À la Wazn? Al. Al, non, Arsène. Taïeb. Rabi'an, yakoun ikrama yali. Donc là, il donne des exemples avec des phrases contenant ces verbes conjugués soit au mardi, soit au moudralir, soit au Am. Tu te sens de force de lire et de traduire? Inch'Allah. Faudal. Mette tassilu ta'iratu min Paris. Tassilu fi sa'ati l'hadiyati. La. Non, fi sa'ati l'hadiyata asharata. Non. Wa nisf. Non. Quand est-ce que l'avion arrive de Paris? Il arrive. Il arrive à 11h30. Parfait. يجب علينا أن نفهم القرآن الكريم ونعمل به. نعم. Il nous est obligatoire d'apprendre le Coran, le Saint-Coran et de le mettre en pratique. نعم. Quand on dit يجب على, c'est يجب. يجب عليك, c'est t'es obligatoire à toi. On met quel حرف جر après un ضمير. نعم. قال للطبيب ضع هذا الفرصة قرص على نعم ضع هذا القرص على لساني ثم ابلعه نعم يعني le médecin m'a dit pose ce c'est un cachet à la base قرص c'est un disque un truc rond comme ça là il veut dire un cachet cachet نعم sur ta langue puis avale نعم بلع يبلعه c'est avaler c'est نعم رابعا رابعا ستجدني في البيت بعد الصلاة بعد صلاة العشاء إن شاء الله نعم يعني vous me tu يعني tu me trouveras me trouveras dans la maison après la prière de العشاء نعم إن شاء الله نعم قف هنا يا سائق أنا أريد أن أنزل نعم يعني arrête toi ici au chauffeur نعم je voudrais descendre ici يعني je voudrais descendre نعم ça a dit ça يعني زني كيلو غرام من سكرية بقال نعم يعني pèse moi le en gramme en kilo en kilogramme un kilogramme يعني pose moi نعم يعني pèse moi un kilogramme de sucre au épicier نعم et dit يجوز زني tu vois sans la sans l'if sans le حرف الجر et le ضمير tu peux directement mettre nous nous ikaya avec le domaine mutakallim. Tu peux dire c'est exceptionnellement pour ce verbe. Tu parles. Hein? Exceptionnellement pour ce verbe où il y a beaucoup. D'autres verbes, tu peux le faire. C'est-à-dire ce qui tu peux mettre arfroja ou des fois tu peux mettre directement le domaine accroché au verbe. Ouais mais y en a c'est. Tu peux pas, ça va changer tout le sens. Si je dis à la base moi je viens je dis zinni tout seul comme ça c'est à dire pèse-moi. C'est à dire pèse-moi moi Khalil tu vois. En fait c'est pour ça revient pour li. Non. طيب سابعا. نعم سابعا. يا سلمى ضعي هذا الكتاب على مكتبي. يعني هو سلمى pose ce livre sur le bureau, sur mon bureau plutôt. نعم. لماذا تقف هنا يا أخي؟ اجلس. Pourquoi tu t'arrêtes ici, mon frère? Assieds-toi. نعم. لا تقف في الطريق. يعني il ne t'arrête pas, hein? En route. Sur la route. Sur la route, en نعم. route quoi. En route, نعم قال الله عز وجل في سورة النبأ سبأ نعم سبأ proche dit quoi moi نبأ سبأ يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم غفور. Alors là, la traduction relative du sens du verset, ou là. Il sait ce qui sort de la terre, ce qui rentre dans la terre, ce qui en sort. Et c'est ce qui descend du ciel et ce qui y monte. Et il est le miséricordieux, le pardonneur. وقال الله تعالى في سورة شورى لله الملك السماوات والأرض يخلق من يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. يعني appartient à Allah des cieux et la terre. Des cieux et la terre. نعم. Il crée ce qu'il veut. Il crée ce qu'il veut, là. Ouais, il accorde à qui il donne. Il donne à qui il veut. Hein? Non, c'est pas ça. Attends. Il donne à qui il veut des femmes. Parmi les femmes, hein? Parmi les femelles. Non, les femelles. Dire. Femelles. Il donne, à qui il veut parmi les mâles. Non. Hum? Pareil, personne. Ça fait un peu par rapport à. Femme-Michel, Wajada. Ainsi de suite. Il y en a d'autres aussi qui commencent avec Aya, comme Yaïssa, qui rentre dedans, et qui a un livre, je ne connais pas par contre. Quand c'est pas un livre, je n'en ai pas. Si y en a, je ne connais pas. Taïeb. Maintenant, on attaque le chez Aha, notre sujet. Khamisan, ta'amel et l'amsilata, l'atiya, l'ism, l'moussaghar. Donc ça s'appelle quoi? Al-tasrir. C'est le fait de rendre une chose petite. El Tasrir, l'ism Moussaghar, c'est un nom qui à l'origine, c'est l'axe des Moukabbar, c'est-à-dire il est d'origine, il est grand. Et toi, tu l'as fait diminuer. Comment on appelle ça les noms diminutifs? Comme exemple, par exemple, Ouleid. Ouleidoun, voyez, Ouleidoun, à la base, c'est Walad Sorir. Voyez, ism Tasrir, il vient d'un mot qui vient à trois lettres, et il vient. Qui, sur quelle mesure? Sur la mesure Fou'aïloun. Vous voyez? Sur la mesure Fou'aïloun. Donc par exemple, Walad, tu vas dire Wuleidoun. Djoubaïloun, c'est de Djabel. C'est une petite montagne. Vous voyez? Djabel, son ism tasrir, c'est Djoubaïl. C'est une petite montagne. Nouhaïloun, ça vient de Nahar. Nahar, c'est un fleuve. C'est un petit fleuve. Nouhayroun, c'est un petit fleuve. Kuleiboun, ça vient de kalb, c'est-à-dire un petit chien. Taïeb. Donc, tu prends un nom en trois lettres et tu le mets à la wazn Fouaïl. Fakat. Sadisan, là, il va te faire appliquer ça. Il dit Sorrir el Asmal Atia. Donc, diminue les noms suivants. Rajul. Rujaylen. Rujaylun. Qalem. Kuleimun. Kuleimun. Tiflun. Tiflain. Comme les autres, à la haute Fouraïl. Non, c'est parce que c'est le Soukoun qui a. C'est Mayador. Une Soukoun Fatra ou une Kafra, c'est pareil. Tuflain. Tufail. Tufail. Tufailun. Najm. Najm. Non. Par exemple, Marlouf, Abd, comment te dire? Abd. Obeid. Obeid. Y a quoi encore? Qui Marlouf? Par exemple, Abiyu. Hureira. Ça vient de Hir, à la base. Hir, c'est un chat. Enfin, Hureira, ça y est, c'est le diminutif de Hir. Et après, on a d'autres. Quand c'est des noms à 4 lettres, 5 lettres, 6 lettres, ils ont d'autres règles. Donc, voilà, Tasrir. Taïeb, maintenant, il t'apprend quoi? À trouver les Asmat Tafdil de certains noms qui, eux, leurs deux dernières lettres sont les mêmes. Il dit Ta'amel, l'amsilatel atiya, l'ism tafdil. Khalil, par exemple. Khalil, à la wazn, fa'il. Taïeb, Khalil, à la wazn, fa'il. Le problème, c'est quoi? C'est que Khalil, là, on a un kof et on a deux lèmes. Taïeb, on a un kof et après on a deux lèmes. Entre les deux lèmes, on a un ya. Donc ça va être quoi sur ism tafdil? Akal. Masalan kabir, le mot kabir. Taïeb, kabir, c'est quoi son ism tafdil? Akbar. Pourquoi? Parce qu'on a trois lettres différentes. Kaf, ba, ra. Mais là, on a deux lettres pareilles à la fin. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Ces deux lettres-là, on fait un hydrome. On l'insère l'une dans l'autre. Donc, tu dis quoi? Akol. Là-bas, c'est aklel. Tu vois? Là-bas, c'est aklel. Ça se dit pas, donc tu veux dire quoi? Akol. Et en fait, l'origine, ça vient de afal. Comme akbar, asrar, ainsi de suite. Donc, ces mots-là, tu vois, qu'on les deux mêmes lettres à la fin. Et eh ben eux ils se mettent comme ça à la wazn. Taïeb. C'est quoi le wazn akol? Akol, c'est quoi son wazn? Afal. Afal. À la base c'est afal. C'est juste qu'on a rentré le ayn et le lem, on les a mis ensemble. Taïeb. La ziz, qui veut dire délicieux, ça veut dire quoi? Ça va être quoi son softil? Alav. Taïeb, alav. Shadid, qui veut dire dur, entre autres. Son iftosdil, c'est quoi? Ashad. Taïeb, Ashad. Habib, qui veut dire aimé, quelqu'un qui est aimé, Habib, Mahboub. Taïeb, son iftosdil, c'est quoi? Ahab. Taïeb, Ahab. Donc il dit, LN, Ikram Ayali. Tu veux lire ou tu lises? Comme tu veux. Toi, Dalizan. بقي أقل من ساعة. نعم. يرست. يرست مجنور. نعم. البرتقال لذيذ والتفاح ألذ منه. يعني الأورانج ديليسيوز. Mais par contre. Hein? Mais la pomme. Mais la pomme est plus délicieuse qu'elle. نعم. أبي حبيب إلي وأمي أحب إلي منه. يعني mon père. Hein? J'aime mon père. J'aime mon père. Et ma mère est plus aimée que lui. Non. Et pour moi, est plus aimée que lui. Là, tu peux dire j'aime plus ma mère. Oui, j'aime plus ma mère. Mais littéralement, c'est comme t'as dit toi, mais en français, ça se dirait pas. Rabi'an. El bardu al-yawma ashad. Non. Yani, aujourd'hui, le froid est plus... Plus intense. Plus intense. Ouais, plus dur. Nchadid. Khamisan. Ma habbu durus ilayk. Ma habbu durus. Il y a le Coran ou le Karim. Non. Il y a des cours. Pourquoi un point d'interrogation? C'est une question. Ouais, c'est une question. Ma ahabbu ad-durusi ilayk. Quel est le cours que tu préfères? Non, non. Le plus aimé, en fait, ton pote. Quels sont les cours les plus aimés pour toi? Non. Ani, les cours les plus aimés pour moi, le Coran. Non. Le Coran ou le Karim. Ça dit ça? Kana tullabu qalilan ams, wa al-yawma hum aqal. Yani, les étudiants hier étaient peu, hein, étaient non. Pas beaucoup, Yani. C'était peu nombreux, ouais. Et aujourd'hui, ils sont encore moins nombreux. Non. Man ahabbu an-nas ilayk? Ahabbu an-nas ilayya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Yani, qui est la personne la plus aimée pour toi? Non. La personne la plus aimée pour moi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Non. أحسنت تعفل ويدا صلاة علي وين مكا مجيل لا سيبون جوني وكا طيب نواصل اوكي قليل ان شاء الله تأمل ما يلي maintenant il va te faire quoi ce qu'on a pris au début dans le texte le fait de rentrer un domir à l'intérieur d'un ism ishara. Il dit Eina el Kitabu. Où est le livre? Quelqu'un va te répondre Ha Hua Va. Tu vois? Donc l'origine c'est quoi? C'est Ha Va Hua. On a séparé entre Ha qui est Harf Tambih, qui est la base, ne fait pas partie du Ism Ishara. On a mis Va d'un côté et au milieu on a mis Damir. Donc tu dis Ha Hua Va. Et l'origine c'est quoi? Ha Va Hua. Vous voyez? L'origine c'est Ha Va Hua. Et pourquoi C'est parmi les usuls de langue arabe. C'est comme ça. Ouais, tu peux le faire. Par exemple, le Coran. Ha, ha, entoum, ha, ou la, i, mathalan. Dans le Coran, par exemple. Ha, entoum. Je crois que c'est ou la, i. Je me rappelle même du verset. Ha, entoum, ou la, i. En fait, c'est. Est-ce que c'est cela que vous. Ha, entoum, ha, ou la, i, tu hibbounoum, ou hibbounakoum. Aïwa. Je me rappelle bien. Dans le. Allez, Ibrahim. Et même dans le Baqara, tu en as une pareille. Taïb. Eina sa'a. Où est l'heure? Ou la montre plutôt. Ha, hiya, zi. Ei. En fait, c'est. Ha, zi, hiya. Eina Ibrahimu. Ha, ana, za. Donc là, c'est qu'ana maintenant. On a entré ana dedans. Donc à la base, c'est. Ha, za, ana. C'est moi. Mais par rapport au règle de Himlay, le alif de Anna, il a été enlevé. Voyez, le alif de Himlay, il a été enlevé. Bon, laisse tomber la suite. Ce qu'il demande de faire, là. Ça demande de mimer ou je sais pas quoi. Et voilà, quoi. T'as compris, de toute façon. Non, c'est pas dur. Ashiran. Ta'ammal al-misal, thumma kawin jumal al-mislahu, musta'milan fiha. يجيب على الاوبليغاتوار دو مستعنيا بكلمات الوالدتي بين قوسين donc il dit médite les exemples et ensuite constitue des phrases en utilisant يجيب على le fait qu'il soit obligatoire de en te servant des mots exposés entre parenthèses مثلا المثال يجيب علينا ان نفهم القران ونعمل به donc il nous est obligatoire et يجيب علينا c'est nous obligatoire à nous de comprendre le Coran et de l'appliquer. طيب الجمله الاولى نعم يجب عليك تكتب الواجبات بانتظام نعم دونك vas-y obligatoire d'écrire yani tes devoirs les devoirs بانتظام بانتظام pour de façon ordonnée pour ordonnance non de façon ordonnée de façon ordonnée non ordonnée enfin, de façon propre ordonnée تفضل ثانيا يعني يجب عليك نعم ان تحفظي سورتين هذا الاسبوع نعم يعني توبيغاتوار دافون دو سورات سيت سيمين احسنت ثالثا يعني يجب عليكم ان تخرجوا من الفصل بهدوء يعني vous êtes obligatoire de sortir de la classe يعني avec avec le douceur ou calme avec calme نعم avec le dans le calme نعم رابعا يجب عليكم ان تدخلوا الفصل قبل دخول المدرس يعني vous êtes obligatoire de rentrer dans la classe avant l'entrée du professeur يجب عليك ان تدرس اللغه العربيه لانها لغه القران نعم Il est obligatoire d'apprendre, d'étudier la langue arabe parce qu'elle est la langue du Coran. طيب احسنت طيب 11 الذهاب مصدر ذهب يذهب طيب الذهاب c'est le مصدر du verbe ذهب يذهب comme on a dit les verbes ils ont un مصدر طيب c'est un nom qui vient de ce verbe ou le verbe vient de ce nom il y a khilaf qui lui définit l'action sans être lié par le temps. Et on a déjà pris des quoi, nous, des masadir au début du livre, ceux qui sont sur à la wazn, fu'ul. Alors t'en as plein des masadir, t'en as plein. On avait pris sa'ada, yas'udu, su'ud, nazal, yanzilu, nuzul. Voyez, et bien là, on prend un nouveau masdar qui est à la wazn, fa'al, qui est le masdar de zahaba. Zahaba, ça veut dire quoi? Aller. Donc, le zahab, c'est l'aller. Ah voilà, il donne un exemple, il dit, uridu, al-zahab, il al-bayt. Donc en fait, c'est je veux l'aller à la maison, mais ça se dit pas. Donc on va dire quoi? Je voudrais aller à la maison. On traduira comme ça. Thaniyan, ya ustazu arju an tasmah li bizahab ila almustashfa. Donc il dit au professeur, j'espère que tu me permettras d'aller ou de me rendre, voyez, à l'hôpital. La shahid c'est bizahab. Mais nous on peut pas tous les traduire à chaque fois. Thalithan, kharajtu min alfasli lizahabi ila almudir. Donc je suis sorti de la classe pour me rendre chez le directeur. À la base, c'est pour l'aller au directeur, mais ça ne se dit pas pareil. Rabi'an, هذه تذكرة طائرة إلى دمشق ذهابا وإيابا. Donc il dit, c'est un billet d'avion pour Damas, aller et retour. Tazkira, c'est billet. Et Zahab, c'est aller. Et Iyab, c'est le retour. C'est le contraire. Mafoum ? Tayeb. Nakhouz al-kalimat jadida. Ajnabiyoun. Ajnabiyoun, c'est un étranger. Tayeb, un étranger. Quand on dit l'étranger, c'est qu'en fait, c'est pas l'étranger par rapport à. Forcément le. Le pays, c'est une personne qui est étrangère à ta famille, par exemple. Par exemple, toi, Mayajouz, Ntanzoura, il est le Moran Ajnabiya. Tu n'as pas le droit de regarder une femme qui était étrangère. Nakd, Jam Nukoud, c'est la monnaie, l'argent. Vous voyez ? L'argent, en liquide. Yaboun, c'est le contraire de Zahab, c'est le retour. Kursun, Jam Akros. C'est un disque, à la base, c'est une chose qui est ronde comme le soleil. Et là, dans le texte, c'était quoi le but? C'était un cachet. Kilo riram. En fait, c'est kilogramme. Et des fois, tu vas trouver avec un djim. Kilo jiram. Ils vont mettre jiram. Ils vont pas mettre un roi, ils vont mettre un djim. Zakaroun, djem, zukur. Ça, c'est les mâles. Quand on dit le mâle, c'est le contraire de féminin. Wajaba, yadjibou. Obligatoire. Une chose obligatoire, c'est obligé. Bala, hein? Bala'a, yabla'u. Ça, c'est avaler. Vous voyez, c'est le verbe avaler. Mahfazatun, c'est un portefeuille ou une trousse. Khata'un, jam akhta'un. C'est une erreur, une faute. Azzahabu, c'est le contraire de iyab, c'est l'aller. C'est le masdar de zahaba yadhabu. Tazkiratun, jam tazakir. C'est un billet, un ticket. Unfa, Jam Inès, c'est le contraire de Zakar. Ça, c'est féminin, en fait. Femelle, plutôt. Femelle. Bi intizam est de façon ordonnée. Bi intizam, ça veut dire de façon bila servoja. Et intizam, c'est le mazdar de intazama, qui veut dire s'ordonner. Bien classé. Araja ya'rujou, ça, c'est monter. Tayeb, c'est levé. Donc voilà. La faune. En tout cas, le principal du diable, c'était le. Fiam Michel, celui dont le fait c'est un waouh. Alexwell ? Là. Là, on a, walhamdulillah, bien ravi.